Ça dit quoi, Slob? Miséricorde! C'est pour le coup, flashback! Génération 87, je restais bloqué devant le club Dorothée. On répétait chaque geste à la récré, tel des perroquets. On promettait une amitié solide comme Franck et son côté. On partageait le goûter, loin de foncer dans une chambre d'hôtel. Entre une sixième nouvelle console, je dormais pas la nuit. Donc je révisais mes cours sur les dés d'une fois la vie. Premier classique, agression verbale dans le Panasonic. Auto-reverse, envie d'écrire venu comme un déclic. Élevé au whisky tôt, fini de pousser dans un petit hydro. Maillot qui est flow avec dans le dos le set de Louis Figo. Gros pilon sous le hall, fallait vestir le directeur. Maintenant que le temps est passé, je dois bosser de 8 à 17 heures. Flashback, c'est l'heure, la séquence émotion. Je vous revois à Meudin avec la ZEP dans les pochons. On est Méry Roséclat, je me souviens des lucarnes de Georges Jouet à Cogeta ou Capone et Noriega. C'est pour les frères comme Belka, élevé au pas de Polonaise. Qu'atterrissent en catastrophe comme le vol d'Apollo 13. Mes Kremlins qui squattaient à l'épicerie après minuit et portaient le bonnet comme ma déplaisie à MCT. Génération Giscard d'Estaing, vas-y barre-toi, bouge. Back in the day, 1000, quelle heure est-il? Minuit 12. Je regarde la boum, Sophie Marceau, elle s'appelle Bouge. Mexique devant les petits seins, Miu Miu. Gris-gris autour de la taille, Africa autour du cou. Très très bon at school, du coup. Des vrais OG, j'ai toujours été l'un des chouchous. Le collège foufoufou, Son Goku et les 7 boules. L'héritier de la grande ours et les films de Kung Fu ont mis un terme à ma carrière dans le foot. En parlant de foot, R.I.P. Manu. Manque de veine, Giroud te voulait, t'as fait carrière dans le chou. Old school, new school, fuck you. Les nerfs mis à rude épreuve quand je vous écoute. J'ai comme une énorme envie de mettre un putain de nez rouge et de vous faire flotter dans les cils. Flashback, c'est l'heure, la séquence émotion. Je vous revois à Meudin avec la ZEP dans les pochons. On est Méry Roséclat, je me souviens des lucarnes de Georges Jouet à Cogeta ou Capone et Noriega. C'est pour les frères comme Belka, élevé au pas de Polonaise. Qu'atterrissent en catastrophe comme le vol d'Apollo 13. Mes Kremlins qui squattaient à l'épicerie après minuit et portaient le bonnet comme ma déplaisie à MCT. 17 ans, expérimente mes premiers trips. Tant d'imiter l'écran, je vois les légendes du Brésil défiler sur petit écran. Veux suivre l'exemple de Romario. France est riche avec 10 francs, il reste encore des bonnes radios. C'est vraiment la belle époque. Première Game Boy, quel cadeau. Mortal Kombat et Mario, j'essaie d'ébattre mes potes. Sous le préau de la cour d'école, ça drogue des cartes et calots. À part le foyer de la prof, restez nettoyer le tableau. J'aime déjà pas trop les sorts, je veux pas faire comme les autres. Moi j'ai raison, t'as tort. Bref, un gosse comme les autres. Mais pour revivre ces années, je pourrais claquer des millions. Depuis que j'ai vu que devenir adulte n'était qu'une malédiction. Flashback, c'est l'heure, la séquence émotion. Je vous revois à Meudin avec la ZEP dans les pochons. On est Méry Roséclat, je me souviens des lucarnes de Georges Jouet à Cogeta ou Capone et Noriega. C'est pour les frères comme Belka, élevé au pas de Polonaise. Qu'atterrissent en catastrophe comme le vol d'Apollo 13. Mes Kremlins qui squattaient à l'épicerie après minuit et portaient le bonnet comme ma déplaisie à MCT. Nostalgique en flashback, rime avec émotion. Éclosion du rap dans la tête d'un adolescent. Premier pas dans le foot entre petits stades et que par souvenir. Les années passent, les frères gardent leur sourire. Dans la cour d'école, les rues du quartier se créèrent les premières amitiés. Insouciant, délivrance que nos cœurs abritaient. Bien loin du train-train de la tise, on kiffait les grands 8 et train de la mine. Les rap de Gucci et Prodigy, les femmes en bikini. La défense de Maldini entre Guédro et Alcolo se reproduisait la bataille Goku et Piccolo. Loin d'être parano, fan des salopes de Marado. Puis Ronaldo, les réflexes de Thomas Price, la vitesse de Carl Lewis. Je rêvais du tour du monde sans mon Atlas, plus que gagner la Coupe Davis.